Alors, la vie, c'est une drôle de mise en situation. Hein. Quelle est la différence entre se sauver ou être sauvé? Se sauver, ça procède différemment d'être sauvé. En quoi? L'individu qui se sauve, prendre des termes reliés au phénomène spirituel, l'individu qui se sauve lui-même, c'est un individu qui est capable d'accepter ce qu'on appelle une voie initiatique. C'est-à-dire qu'il est capable d'être initié. L'individu qui se fait sauver est un individu qui n'a pas la capacité de supporter l'initiation, donc qui n'a pas la capacité de supporter la compréhension, donc qui ne peut faire en sorte que de suivre ceux qui comprennent, donc de suivre les initiables et les initiés. Celui qui attend après le salut, donc celui qui peut être ou qui veut être sauvé, est une personne qui jamais ne comprendra la mécanique. Ce n'est pas grave de ne pas comprendre la mécanique, mais il ne la comprendra pas. Et l'incompréhension de la mécanique, si elle n'est pas supportée par une foi absolue dans les individus qui sont initiés, engendre la souffrance, souffrance psychologique. C'est pourquoi les individus qui peuvent espérer le salut, donc être sauvés collectivement par le tracé laissé par les initiés, ces personnes-là doivent avoir une foi aveugle. L'individu qui n'a pas de foi suffisamment puissante et qui en même temps attend le salut est un individu qui nécessairement sera subjugué par le doute. Et s'il n'a pas un doute parfait, donc bref, s'il attend encore après le salut, ce doute engendrera chez lui la souffrance. Ça veut dire que être sauvé, c'est attendre le salut, c'est suivre, autrement dit. Mais oui. Est-ce qu'on mérite d'être sauvé si on attend d'être sauvé? La question n'est pas de mériter, c'est qu'il y a des individus qui doivent te donner de l'énergie pour que tu puisses augmenter ton potentiel. Autrement dit, il y a une panoplie d'individus qui jamais ne seront appelés à comprendre la mécanique de l'évolution, ils ne seront appelés qu'à l'appliquer. Alors qu'il y a des personnes qui, elles, doivent ouvrir des chemins, ces personnes-là devront nécessairement travailler, elles devront appliquer, mais elles devront comprendre pour être capables d'ajuster les mécaniques évolutionnaires des mondes supérieurs au monde inférieur, c'est-à-dire des phénomènes de l'intelligence, de la gratuité ou de l'intentionnalité au monde de la matière qui est présentement limité par les quatre dimensions que l'on connaît. Donc, un individu qui est un initiable est une personne qui a la capacité de comprendre la mécanique. Comprenant la mécanique, nécessairement, la foi absolue, la foi aveugle disparaît. Disparaissant, si la personne ne comprend pas suffisamment la mécanique, cela peut engendrer dans son mental le questionnage sans arrêt, qui engendre la fièvre de l'évolution, une forme de souffrance du mental, et cela peut aussi engendrer des incertitudes au niveau de l'ego, au niveau de l'astral. Maintenant, il n'y a pas de mérite, c'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre que... Il y a des êtres humains qui... Sans prendre le mot mérite... Je vais te faire plaisir, écoute bien. Disons que la finalité de l'évolution de l'humanité, c'est la création d'un seul corps. Oui. Ceux qui ont la capacité d'être initiables vont devenir la tête. Et ceux qui n'ont pas la capacité d'être initiables vont être le corps. Mais la tête aura besoin de pieds. Les pieds devront accomplir, mais ne comprendront pas ce qu'ils font. Mais lorsqu'ils seront régis par une tête qui sera suffisamment ajustée aux pieds, les pieds ne souffriront jamais. Ils seront protégés du froid, seront protégés des coups, etc. Bon, mais on ne peut pas tous être des têtes. Mais c'est qu'à ce niveau-là, ça sera inévitable qu'un jour, les pieds devront faire partie de la tête, il n'y aura plus de pieds? Non, il n'y aura plus de tête. Mais juste avant qu'il n'y ait plus de tête... Les pieds vont disparaître. Il faut comprendre une chose, c'est que pour certains égos, il y a de l'importance dans le fait de comprendre pour pouvoir s'expliquer et pour pouvoir expliquer les choses. Oui. Maintenant, dans la réalité cosmique, l'évolution est une question d'énergie. Cela veut dire qu'une personne qui comprend énergétiquement ne peut pas s'expliquer des choses. Elle pourra au mieux relier à un phénomène d'intelligence supramentale par un ajusteur de pensée opérationnel, l'expliquer aux autres. L'expliquant aux autres, nécessairement, par ses oreilles, son ego comprendra. Mais l'évolution n'est pas une question de compréhension, parce que dans la création, il n'y a absolument rien à comprendre. La compréhension est un assujettissement à une association plus ou moins émotive ou plus ou moins logique des conditions, c'est-à-dire de l'information et des données. Parce que l'être humain n'aura jamais accès en même temps à toute l'information contenue dans la création, donc dans les super-univers, dans les univers et dans les systèmes solaires, l'être humain n'aura jamais de compréhension finale et finalitaire de l'ensemble de la création. Maintenant, c'est une question d'énergie, c'est-à-dire que lorsque toi, tu deviens totalement la création, il n'y a plus rien à comprendre. Tu es la création et tout est parfait. Donc, lorsqu'il y aura une résorption de la création, ce sera la même chose, il n'y aura rien à comprendre. Ce que l'humain doit comprendre, tant que l'être humain reste un être humain, c'est que la compréhension, c'est uniquement la faculté qu'ont les êtres ascensionnels, donc les êtres évolutifs, c'est une qualité qu'ils ont de pouvoir s'accaparer d'énergie. Et la seule façon qu'ils ont de conserver l'énergie qu'ils ne peuvent utiliser encore pour accomplir des choses, c'est de la former. C'est-à-dire qu'ils prennent l'énergie et ils créent de la forme avec de l'énergie. Créant de la forme, ils vont créer leur corps physique, ils vont créer leurs idées, leurs images, ils vont créer leurs paroles, ils vont créer leurs concepts, ils vont créer leur foi, ils vont créer leur vision. Maintenant, une vision reste une vision tant qu'elle est dans la forme. Lorsque la forme ou lorsque la vision est détruite, nous avons deux choses. Ou bien nous avons une nouvelle forme qui va être créée à partir de l'énergie de la première forme, ou nous aurons l'accomplissement de la forme. Donc, il n'y a plus de vision d'une chose, il y aura simplement la constatation dans la matière d'une chose. L'être humain qui recherche la compréhension est un être humain qui travaille sa structure ascensionnelle à partir de la capacité qu'a son ego d'accepter le neuf. Mais l'être humain qui n'a pas d'ego capable d'accepter le neuf ne peut qu'accepter la tradition. Et la tradition, elle peut provenir de l'avenir comme elle peut provenir du passé. Tout ce qu'il y a, c'est que pour qu'un être humain accepte d'avoir une foi aveugle, même s'il est évolutif, la tradition doit être expliquée par le neuf, c'est-à-dire que lorsque l'énergie descend, au lieu de néotyper, donc de créer de nouvelles formes pour que l'individu puisse cumuler de l'énergie, elle va descendre dans le passé, dans l'historicité de l'humain, et elle va restructurer les traditions, c'est-à-dire qu'elle va permettre dans la conscience astrale de celui qui évolue par le salut, elle va permettre à sa conscience de se donner de nouvelles explications de la tradition sans altérer, selon lui, la saveur même de la tradition. Mais c'est que la tradition qui est le passé a quand même été vécue, comme ce que j'ai fait hier a été vécu. Mais c'est que pour demain, ça va être expliqué d'une façon à ce que je comprenne ce que j'ai vécu là. C'est-à-dire que les êtres qui maintiennent la tradition sont les êtres qui l'ont créée. Étant donné que l'être humain se réincarne, 2000 ans après ou 10 000 ans après, ceux qui préservent la tradition sont ceux qui ont vécu ou qui sont venus au monde en même temps que la tradition. Par contre, ils ont, grâce à leur tradition, une forme de stabilité émotionnelle. Ils ont une stabilité évolutive à cause de la tradition. Il y a plusieurs choses qu'ils vont faire qui sont extrêmement bien, mais sans la tradition, ils ne le feraient pas parce qu'ils n'ont pas la compréhension des choses. Alors, ils sont capables, avec le temps, de prendre de l'énergie et de se donner de nouvelles versions de la tradition sans détruire la tradition. Ils sont capables de se supporter comme cela. Jamais ils ne comprennent, ils ne suivent que la tradition. Maintenant, dans toutes les traditions, il y a toujours de la place pour l'apparition du Sauveur. Et c'est là qu'à un moment donné, les êtres initiables, les initiés, vont venir diriger, si on peut dire manipuler, c'est la même chose, mais d'une manipulation dans une direction qui est prescrite par l'intelligence, ils vont venir diriger par la tradition, donc ils vont venir sauver l'humanité, ou les humanités qui attendent encore le Sauveur. Mais ça, ça n'a jamais été fait encore. C'est-à-dire que la tradition prévoyait l'apparition du Nazaréen. Grâce aux Juifs, on attend toujours la venue du Christ. Oui, mais l'apparition du Nazaréen, il a-t-il sauvé quelqu'un, ou à part se sauver, lui? Oui, il a sauvé une grande partie de l'humanité. Premièrement, il a résorbé l'humanité reliée à son faisceau. Et deuxièmement, il a fait augmenter d'un cran la majorité de tous les systèmes traditionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la même chose que ce que Siddhartha Gautama a fait, la même chose que ce que Mahomet a fait, la même chose que ce que d'autres ont fait. C'est que l'être humain évolue sur un cercle, et à un moment donné, normalement, il est dans une espèce de spire qui monte. Sauf que de temps en temps, l'humanité, par la tradition, par la cristallisation de la tradition, finit par avoir tellement de poids dans l'astral que l'évolution dans la tradition n'est plus ascensionnelle, elle devient horizontale, donc stagnante. Lorsqu'un sauveur se pointe, normalement, il détache, il casse, il brise le cercle vicieux de la tradition et permet d'aller rejoindre une autre sphère montante, jusqu'à temps où le poids viendra encore écraser cette espèce de ressort et l'humanité tournera encore en rond. Donc, les individus ont de plus en plus besoin d'un sauveur lorsque la tradition devient de plus en plus cercle vicieuse. Mais le sauveur ne sauve pas ceux qui l'attendent. Non. Par contre, ceux qui l'attendent se voient sauvés par le Sauveur. Pas au moment où ils vivent, pas au moment où ils rencontrent le Sauveur. Pas au moment où ben, l'évolution est toujours une question de quelques milliers d'années. Donc, ben, réincarnationnellement, je peux être d'accord, mais si le, ça veut dire, si on prend l'exemple, on va rester avec le Nazarène. Quand lui est venu, du temps qu'il a vécu, il n'a pas sauvé grand monde. Mais il n'a pas sauvé personne. Il a sauvé, on peut dire qu'il a amené des compréhensions nouvelles pour ce qui s'en venait dans le futur, mais pour ceux donc, qui vivaient... Donc, il a fait bifurquer la planète. Comme quand tu commences à faire un gâteau, tu allumes le rond du poêle. Mais c'est parce que tu allumes le rond du poêle que le gâteau va finir par être cuit. Bon, je sais que le gâteau n'est pas cuit encore, mais nécessairement, en allumant le rond du poêle, tu garantis que le gâteau va finir par être cuit. Mais ça, c'est bien plate pour ceux qui attendent que les prophéties Non. Les gens qui attendent, ce sont des gens qui n'ont pas suffisamment de foi. Ceux-là qui trouvent que c'est plate. Si les gens ont une foi aveugle dans leur prophétie, il n'y a pas de problème. Ils meurent, et puis ils reviennent, et puis ils meurent, et puis ils reviennent, et puis la vie est belle. C'est seulement pour les individus qui n'ont pas suffisamment de foi. Ils n'ont pas de foi absolue dans la tradition, ils n'ont pas de foi absolue dans l'initié. Parce qu'il y a des gens qui n'attendent... Toutes les gens qui attendent les sauveurs vont espérer que le sauveur, ça peut être un maître, ça peut être Maitreya, l'antéchrist, ça peut être plusieurs choses. Sauf que l'individu qui devient initiable, lui, se détache totalement de cela et ne pourra rencontrer de sauveur qu'en fonction de ce que lui sera capable d'en comprendre. C'est-à-dire qu'il découvrira finalement ce que le sauveur vient de lui. Et parce que les égaux sont toujours assujettis au médiocrisme, l'individu qui découvre que le sauveur, c'est lui, pour une partie de sa génération, mm-hmm. pour une partie des génétiques du passé, à cause de l'ego, il va passer une grande période de sa vie à vivre de fausse humilité. C'est-à-dire qu'en réalité, il sera inhibé par la vision qualitative et quantitative de l'énergie qu'il pourra à un moment donné soumettre à la vision de l'homme. Ça, c'est... Finalement, ce que j'en comprends, c'est que ça fait partie de la nouvelle vision du grand monarque qui est... qui ne fera pas partie d'une personne, ça va être à l'intérieur, par exemple, je suis le sauveur. Autant que plusieurs autres personnes que je connais peuvent faire partie. Dommage que les gens n'aient pas suffisamment la foi pour te suivre. Ah ben non, mais je ne demande que me suivre moi-même. Mais tu n'as pas suffisamment la foi pour te non, suivre. Non, c'est ça. Je ne me suis pas encore. Oui. D'un point de vue, on dirait que tu n'es quand même pas assez imbécile pour cela. Et d'un autre point de vue, on dirait... Ben, je suis trop con pour le faire, oui. Mais c'est encore à cause du doute, le fameux doute. Le doute, il est intéressant dans l'être qui se conscientise, dans celui qui devient initiable ou dans l'initié, parce qu'il préserve toute la conscience qui, elle, est capable d'ascension, de la mécanique, des pièges, de l'ego, qui, à un moment donné, pourrait faire en sorte que l'individu se prenne au sérieux. Donc, le doute, il est salutaire, mais on doit développer un doute qui bannit la souffrance. C'est-à-dire qu'on doit douter raisonnablement. Qu'est-ce que ça veut dire raisonnablement? Cela veut simplement dire que tant que l'intelligence n'est pas capable d'éliminer le doute, on doit douter. Mais douter émotivement, cela veut dire que tant que l'émotivité n'est pas capable d'éliminer le doute, on doute. On doit parvenir à une purification du doute par l'intelligence et non pas par la foi. Donc, les êtres qui attendent le salut, eux, doivent parfaire leur croyance pour éliminer le doute, sinon ils ont une souffrance. Et dans leur souffrance, non seulement ils ne peuvent s'en sortir eux-mêmes, mais en plus, ils refusent de suivre les individus qui pourraient les sauver. L'être initiable, lui, celui qui procède de la voie initiatique, donc celui qui va se diriger vers l'initiation solaire, celui qui quitte l'initiation lunaire, là où c'est voilé, l'initiation salutaire, celui qui rentre dans l'initiation solaire, il doit éliminer le doute, mais non pas par la force de ses désirs, non pas par la force de son émotivité, non pas par la force de l'astral. Il doit éliminer le doute progressivement par le contact avec son intelligence, par le centrage sur lui-même dans ce qu'il est en tant que plan de vie et en tant qu'être humain. Et là, il verra progressivement le doute s'éliminer. Alors, toi, tu as encore du doute. Chaque fois que ton émotivité essaie de te convaincre que tout est bien, ton intelligence descend pour restructurer le doute de façon à ce que jamais l'astralité qui t'habite puisse, à un moment donné, finir par te ternir à un point tel que tu te prendrais au sérieux sans avoir les caractéristiques énergétiques de celui qui est. Étant donné qu'on a ce genre de doute, cela crée un peu une souffrance parce qu'on n'est pas encore tout à fait confiné à vivre de la voie intelligente et on n'est plus capable de vivre de la voie émotive. Mais progressivement, si les êtres humains sont capables de dialogue, s'ils sont capables de parler, s'ils sont capables aussi d'accomplir des choses, on peut accomplir simplement une vision. Donc, on peut observer des choses, on peut voir de l'onde de forme, on doit appliquer certaines choses, on doit mettre en pratique et non pas seulement philosophiser là-dessus. Lorsque l'individu a ce genre de ses caractéristiques, lorsque l'individu développe son mental, lorsque l'individu développe la capacité qu'il a de contrôler, on parlait du jeu de la vie numéro 3, c'est-à-dire de contrôler toutes les structures astrales par lesquelles l'ajusteur de pensée a tendance à se connecter, Et bien nécessairement, l'individu finit par structurer une compréhension énergétique qui n'est pas supportable par des mots, donc qui n'est pas enseignable directement comme cela. L'enseignement provient d'un contact avec, par un ajusteur de pensée, à une mécanique énergétique qu'on appelle le monde supramental, qui est de la mémoire de galaxie. Sauf que l'individu qui développe une conscience réelle, une conscience absolue mais limitée, elle devra finir par elle sera un jour absolue sans limite, mais l'individu qui développe une conscience absolue limitée, lui n'a pas de conscience orale, c'est-à-dire que ce n'est pas une conscience qui vibre supportée par la forme des mots, ni dans sa conscience, ni dans sa parole. Il va rayonner, il va communiquer par imprégnation, mais il ne peut pas instruire autrui de ce qu'il est à partir de sa parole, ni à partir de télépathie. Au niveau de l'énergiopathie, probablement que ça se communique bien. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des êtres humains qui, par exemple, on va prendre moi comme exemple, dans ce que je communique, ce n'est pas nécessairement ce que je suis, ce que je vis, donc ce que j'applique. Dans ce que j'applique, il y a des choses que je ne peux pas communiquer. Dans ce que je suis énergétiquement, cela fait partie d'une conscience qui rejette totalement la limitation de la forme. Donc, je ne peux pas structurer des concepts sur ce que je suis, je ne peux pas structurer des concepts sur ce que je vais être. Ce qui, nécessairement, dans la condition humaine planétaire, semble créer certains problèmes pour peut du moins sembler créer des problèmes pour certains individus, en ce sens que je ne peux pas parler de ce qui m'attend dans l'avenir, parce que dans ce que je suis fondamentalement, je n'ai pas d'avenir. Je vis dans l'instantanéité. Par contre, lorsque je parle par le langage, je communique par un ajusteur de pensée que j'ai digéré, c'est-à-dire qu'en ce qui me concerne, j'ai même plusieurs ajusteurs de pensée. Je communique à travers les ajusteurs de pensée au monde supramental, mais le monde supramental est quelque chose qui est instantané dans ce qu'il est, mais qui a la capacité par un ajusteur de pensée de devenir temporalisé. Donc, cela peut me permettre d'engendrer des formes, donc des mots, pour expliquer des choses qui ne sont pas nécessairement utiles à ce que je suis, mais disons, parlant de ces choses, j'attire quand même une énergie qui, elle, vient se fusionner à ce que je suis. Il y a donc toujours un travail doublement parallèle. Dans ma parole, j'instruis les gens, c'est-à-dire que je suggère et je stimule chez eux de l'énergie. Je suggère des formes pour maintenir cette énergie. Et chez mon ego, je fais la même chose, je l'instruis et je lui permets de conserver de l'énergie. Cette énergie, progressivement, crée la négoïsation, mais temporairement, elle épaisse le périsprit, ce qui fait que les gens sont de moins en moins manipulables par les vecteurs astraux. Mais, en même temps, ils perdent de plus en plus la foi ou les croyances qu'ils auraient envers eux et différents mécanismes. Lorsque l'être humain parvient à éliminer chez lui la recherche de la compréhension orale de la création, donc de ce qu'il est lui-même, il parvient à s'imprégner d'une condition de vie que l'humanité ne connaît pas, une condition de vie qui, elle, va engendrer l'apparition du surhomme, donc de la surfemme et du surenfant, une condition de vie qui fait en sorte que l'être humain commence à rayonner, et dans son rayonnement, il engendre une paradisiation de son corps mental, de son corps astral, de son corps vital et de son corps physique. Nécessairement, il aura à ce moment donné la capacité de se relier à différents faisceaux d'énergie. L'être humain n'est plus, dans l'initiation solaire, relié uniquement à un faisceau. Et il doit commencer dans le contexte planétaire, c'est-à-dire tant qu'il a un corps physique, mais en réalité dans le monde supramental, à faire une fusion de certains faisceaux, et progressivement, il fera aussi la synthèse de tous les faisceaux. L'être humain doit engendrer un faisceau qui sera totalement planétaire parce qu'à un moment donné, cela commence déjà un peu, il y aura l'émission de nouveaux faisceaux, des faisceaux caractéristiques extraterrestres et même extragalactiques. Mais je disais lors d'une conférence, et c'est important qu'on le répète, l'être humain, c'est quoi? L'être humain, c'est un avion. L'être humain est un avion, sauf que l'être humain n'est pas construit. Alors, nous sommes, par exemple, les fabricants d'un avion, nous avons reçu les roues, nous avons reçu la queue, nous avons reçu l'antenne, nous avons reçu une partie de la carlingue, nous avons reçu les bains à l'intérieur. Les bains proviennent de Mars, la carlingue provient de Vénus, les roues proviennent des seigneurs de la Lune. Nous recevons régulièrement comme ça des pièces et nous construisons un avion. Sauf que le « nous », en réalité, c'est l'avion. Donc, nous sommes construits progressivement. Lorsque l'avion, à un moment donné, se dit « qu'est-ce que je fais là? » Alors, elle n'a aucune idée. Et à un moment donné, il y a des sauveurs qui viennent rajouter une aile, rajoutent l'autre aile, rajoutent des stabilisateurs verticaux, horizontaux, etc. Et progressivement, l'avion se construit jusqu'au jour où l'avion découvre qu'elle est là. Alors, elle apprend qu'elle est un avion. Et un avion, c'est fait pour voler. Mais on n'a pas encore posé les trains d'atterrissage, on n'a pas encore posé les moteurs, on n'a pas encore posé l'informatique pour que l'avion sache où elle va aller. Il manque énormément de choses. Alors, l'avion finit par s'adapter à un médiocrisme qui l'assujettit au constructeur. Et les constructeurs, eux, placent les pièces, mais les pièces sont construites sur différents mondes. Alors, à travers la création. Les constructeurs sont les dieux. Oui, pour l'avion. Alors qu'à un moment donné, on aura les extraterrestres qui vont amener des choses. Ça peut être un mariage génétique, ça peut être un mariage énergétique, ça peut être simplement la création de végétaux planétaires ou d'animaux qui vont alimenter le corps physique et qui vont transformer la génétique. Donc, il y a une malléabilisation. À un moment donné, nous sommes les initiables rendus à un point où il manque peut-être les réacteurs, où il manque du moins le kérosène, donc il manque l'énergie. Mais on vient de nous installer tout le système informatisé, et subitement, non seulement nous savons que nous sommes un avion, mais en plus nous avons une idée de tout ce qui constitue l'avion, parce que l'informatique a été structurée pour pouvoir vérifier si les trains sont là, les trains sont sortis, est-ce que la pression des pneus est correcte, tout. Mais nous découvrons donc en même temps que nous voulons vérifier le train d'atterrissage et il n'y en a pas. De ce fait, nous arrivons à une conscience évolutionnaire, évolutive, qui nous fait comprendre ce que nous sommes, tout en nous faisant voir le reste de ce qui nous manque. Mais nous n'en avons pas une conscience traditionnelle. Ce n'est pas le gars à côté qui bâtit, qui dit « Ah, il manque encore des boulons », qui me fait penser peut-être qu'il me manque des boulons. C'est une conscience interne qui maintenant, moi, je sais, même si le gars ne le sait pas, qu'il manque de rivets. Alors, à un moment donné, je devrais avertir le gars qui manque des rivets, mais les gars sont en leur pause café, ils sont partis ailleurs, ils n'écoutent pas encore l'informatique de l'avion, parce que les gars qui posent les rivets n'ont pas été informés que le système informatisé était maintenant opérationnel. Le temps va venir que les gars vont être au courant, les gars vont commencer à obéir à l'ordinateur, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une personne qui va rentrer dans l'avion et qui va peser sur un bouton et ça va être en marche. Et là, l'avion va tout lui dire. Il y a ceci, il y a cela, il y a cela, il y a cela, etc. Puis les gars vont commencer à exécuter. Les dieux vont commencer à exécuter ce que l'avion, l'homme, va leur demander. Nous savons un peu où nous allons aller, mais il manque encore des gros morceaux de la programmation. Nous sommes un avion. Nous savons que nous devons décoller, que nous devons voler pour arriver vers un autre aéroport. Nous ne savons pas quel est l'aéroport. Ce n'est pas déterminé encore. Ce n'est pas encore été inclus dans la programmation. Alors, il y a donc régulièrement des pièces, une nouvelle pièce qui arrive d'une autre planète, et nécessairement, l'être humain, qui n'a pas encore le système informatisé, qui n'a que la mémoire de la matière, va toujours attendre le salut. Mais un jour, probablement, que plusieurs de ces êtres humains seront la cargaison d'un vaisseau plus particulier, qui sera celui de l'initié. Quand l'être humain se voit médiocre sur sa planète, quand l'être humain ne comprend pas l'intervention et l'interaction extraterrestre ou divine ou melchisédienne ou etc., Jéhovic, Yahvic, Elohimic et ces choses-là, c'est que l'être humain est encore un avion dont le système informatique manque. Le système informatique, c'est comme une forme de troisième cerveau, c'est-à-dire que c'est la capacité qu'aura l'être humain de se relier à un central, qui est l'énergie supramentale de première instance, et nous devons comprendre que sur le plan planétaire, se vit présentement la construction d'un véhicule. Ce véhicule est un véhicule non pas galactique, il va devenir galactique, mais à la finalité, c'est un véhicule créationnel qui englobera la création, donc tous les univers qui se créent et qui s'en vont, et tous les super-univers qui les gèrent. Et nous ne devons plus, en tant qu'être initiable, conscientiser, continuer à accepter chez nous la limitation de la vision de l'ego, qui fait toujours en sorte de nous subjuguer par un médiocrisme qui, finalement, ne nous appartient pas. Le médiocrisme qui confine l'humain au sol, c'est la conscience des dieux. C'est-à-dire que nous sommes assujettis au médiocrisme divin. L'être humain, lui, pense que Dieu peut tout, c'est une projection. Alors que l'être humain se voit toujours médiocre, il est créé à l'image et la ressemblance de son Dieu. C'est une projection, c'est-à-dire que nous sommes assujettis à vivre le médiocrisme des dieux, de ceux qui bâtissent l'avion, qui, eux, ne pourront pas partir et ne peuvent pas voler, mais ce qu'ils construisent est au-delà de ce qu'ils peuvent faire. Mais pour l'avion, nécessairement, les créateurs sont toujours ceux qui sont les mieux. Est-ce qu'on peut dire qu'eux construisent les pièces et nous assemblons l'avion? Non, les constructeurs des pièces proviennent de d'autres planètes, de d'autres galaxies, ce sont les extraterrestres. Le constructeur, celui qui gère les pièces, c'est la mécanique archangélique qui est intimement reliée au monde de la mort, donc au ciel, dans lequel se trouvent les différents constructeurs, c'est-à-dire les différents égrégores des religions. Et quand on parle de religion, nécessairement, même un égrégore national est toujours un égrégore de religion. Il y a une croyance, il y a une foi, et c'est la même chose. Bon, tu dis qu'il, présentement sur la Terre, il se construit un véhicule... je ne me rappelle plus ce que tu as dit, de transport? L'homme, un véhicule planétaire, un véhicule cosmique en réalité. Mais est-ce que c'est l'homme individuellement ou c'est le regroupement des personnes qui évoluent, qui sont initiables, ou si c'est une personne? C'est ça. C'est tout ça. Fait que c'est la première chose que j'ai dit. C'est les deux. Je comprends pas. Tu ne peux pas comprendre. Je peux faire un parallèle, mais le parallèle n'est pas tout à fait exact, parce que le parallèle, même, je ne l'aime pas, parce qu'il va reconfiner les égos à se revoir encore en multiplicité. C'est que tu es une aile, je suis une aile. Donc, nous allons de toute façon voyager, voler. Nous allons déterminer la direction de l'avion. L'avion ne pourra pas faire des choses que les ailes ne peuvent pas lui permettre. Donc, la personne qui pilote l'avion est limitée par les ailes, donc manipulée par les ailes. Mais les ailes vont quand même réagir en fonction des stabilisateurs que sur les ailes pilotées par le pilote, manipulées par le pilote. Mais le parallèle n'est pas tout à fait exact. Parce que l'être humain ne peut pas comprendre cette chose. Pourquoi? Parce que l'être humain a une conscience tellement collective que pour parvenir chez lui à l'amener à une voie initiatique en solo, il doit rejeter le collectivisme pour aborder son antipode, qui est la conscience individuelle, alors que dans les phénomènes de compréhension énergétique, là où la forme est bannie, il n'y a pas d'individualité, il n'y a pas de collectivité. Les deux sont des expressions formiques. Ce sont des concepts astro, des concepts spirituels, des concepts dualitaires qui nous permettent, en tant qu'animal humain, en tant qu'être cohabité par des égos, les virus humains, de pouvoir faire des places dans la vie, dans ce que nous sommes, pour placer les formes qui vont maintenir de l'énergie. Autrement dit, la forme collective maintient énormément d'énergie, mais cette énergie est utilisable uniquement en fonction du mouvement des masses. La forme individuelle maintient la même énergie, mais cette énergie est maintenant utilisable en fonction du mouvement de l'individu. Mais dans la réalité cosmique des choses, il n'y a jamais eu de collectivité en ce sens d'individus totalement manipulés et assujettis les uns aux autres, parce qu'il n'y a jamais eu d'individus totalement libérés, totalement unitaires. Bon, ce que tu dis, est-ce que ça peut ressembler à une fusion de deux ou plusieurs personnes, mais dans des corps différents, mais qui sont quand même fusionnés ensemble? Est-ce que c'est... C'est-à-dire que les êtres qui sont totalement fusionnés un jour se fusionneront? En unité. Les êtres qui sont totalement fusionnés en une unité, un jour, deviendront fusionnés en une unité. Ça veut dire que tu es fusionné au début, tu te défusionnes ou tu Non. Non, tu es fusionné dès le départ, tu es fusionné tout le long du trajet et tu seras fusionné à la fin. OK, mais là, je sais pas si on parle la même chose. On parle la même chose, mais comme je dis, tu ne peux pas comprendre. L'humain ne peut pas comprendre. Quand tu parles de fusionner la première fois, tu parles du début des temps. Un peu avant. OK. Alors, tu es fusionné, tu ne te rappelles plus que tu es fusionné, puis tu deviens fusionné? Tu es fusionné. Non, je préférerais qu'on passe à qu'on poursuive pour la simple raison que ça va prendre des heures et des heures à expliquer une chose qui, de toute façon, ne pourra être communiquée qu'en fonction de parallèles, de paraboles, et ça ne donnera jamais la réalité des choses. L'être humain est toujours pris avec, il n'a pas le choix présentement, parce qu'il est assujetti à cumuler des formes. Je reviens là-dessus. Les concepts que nous avons sont des mécaniques qui nous permettent de cumuler de l'énergie. Si nous parlons de séparer, c'est pour cumuler de l'énergie dans une forme. Si nous parlons de fusionner, c'est pour cumuler de l'énergie dans une forme. Mais dans la réalité des choses, il n'y a pas de fusion, il n'y a pas d'effusion, il n'y a pas de changement. Mais il y a des changements. Non. Il y a des changements uniquement dans la vision dualitaire de l'homme. Il y a des changements uniquement dans la vision dualitaire de différentes choses. Mais il n'y a pas de changement dans la finalité cosmique des choses. C'est un phénomène qui est instantané. Et le cerveau humain, étant donné que le cerveau fonctionne par dépolarisation, le cerveau n'a pas la capacité d'entrevoir instantanément une mécanique. Ne pouvant entrevoir instantanément une mécanique, il la diffère toujours dans le temps. La différant dans le temps, il se détache complètement de l'instantanéité. De ce fait, le cerveau humain ne peut pas comprendre à cause de sa biologie, il ne peut pas comprendre les choses de l'instantanéité. Un jour, tu le sauras, mais tu ne pourras pas le communiquer non plus. Quand tu vas commencer à le communiquer, tu vas commencer à perdre ton savoir, tu vas commencer à t'embourber, et les gens vont essayer de te rejoindre quelque part, mais les gens ne pourront pas monter là où tu es. C'est quelque chose qui se communique uniquement par l'initiation, qui se communique par la... Par l'énergie, l'énergieopathie ou ces choses-là, c'est quelque chose qui ne se communique pas par la parole. Les gens initiables, comparativement, bon, les gens qui sont initiables sont les gens qui peuvent se sauver. Oui. Bon. Mais on ne parle plus de se sauver rendu à ce niveau-là. Mais de toute façon, disons oui. Bon, c'est qu'il y a deux chemins. Tu as le chemin du salut, tu as le chemin de l'initiation. Les initiables procèdent par l'initiation et les autres procèdent par le chemin du salut. Parce que les personnes qui vivent du salut n'attendent pas, ils espèrent. Et l'espérance n'est pas de l'attente. Ils n'ont pas de date, ils n'ont rien, ils peuvent vivre sans problème jusqu'à leur mort. C'est une foi, ce n'est pas de l'attente. Toi, si tu essaierais de te mettre à leur position, probablement tu serais de l'attente et de l'impatience. Ouais. Mais eux n'attendent pas. Ils sont sûrs que ça va venir. C'est pas quand, mais ça va venir. Mais ils n'attendent pas. C'est de la foi. C'est nécessairement aveugle. Ça n'a pas besoin de Dieu. C'est lunaire. C'est lunaire. Ils fonctionnent la nuit. Ils marchent avec leur nez, leurs émotions, leurs sentiments. Ils font vraiment... C'est vraiment animal. Il faut comparer ça à un chien. On peut tout comparer à un chien. Mais... C'est-à-dire que chez eux va surtout prédominer l'expérience et l'expression de l'animal humain. Mais on ne peut pas se vautrer dans le snobisme énergétique en se disant que nous sommes... parce que nous ne fonctionnons pas à partir de... Mais c'est pas... Du phénomène lunaire que nous sommes mieux qu'eux. Non, c'est que je peux aussi bien m'embarquer là-dedans, moi, là. C'est que je trouve absurde de... Ton égo trouve absurde. C'est comme je disais au début, c'est ça que je trouve drôle dans la vie, là. C'est drôle et ça n'est vraiment pas drôle, là, mais... Pour continuer à faire le parallèle entre les initiables et ceux qui ne le sont pas, en tout cas qui ne le sont moins, c'est que les initiables attendent quand même quelque chose pour pouvoir progresser. Oui, les initiables attendent après eux. Mais eux, ils attendent. Ils attendent après eux. Bon. Ils n'ont pas la foi. Est-ce que ça veut dire... Ils ne croient pas, ils attendent eux. Est-ce que ça veut dire que... Ou est-ce que tu veux dire qu'avant que l'humain existe, il existait? Mais non! Ben oui, mais c'est mal dit, parce qu'avant qu'il existait, il existait, donc il n'y a pas d'avant qui existait. OK, il existait sous une autre forme. Sous aucune forme. Voilà. OK. Ta parole commence à comprendre. Ouais. J'ai hâte que le reste suive. OK. Bon. Ben c'est... Vous voyez ce que je vous disais? Si on veut pénétrer à l'intérieur, les mots partent. Et si les mots partent, il y a juste de l'énergie... que ton ego n'arrive même pas à comprendre, ben c'est pour ça que c'est intéressant. Mais on doit maintenant aller chercher d'autres formes, descendre un peu plus bas au niveau de la conscientisation pour que pour que l'énergie puisse être terrestrifiée, prédigérée et communiquée avec des mots. Okay. La personne qui est initiable et qui a passé certaines étapes que je ne sais pas, là... Oui, on pourra parler de l'initiation, bon. Peut-être à la deuxième partie. OK. Cette personne-là va vivre simplement... ce que j'idéalise ou j'utopise, c'est de vivre sans... Bon, OK, c'est arrêter de se questionner sur c'est quoi la vie, c'est quoi le cosmos, c'est la fin, le début, et tout ça, là. Mais tant que l'âme humaine, le virus, c'est la partie qui dirige par manipulation le corps physique et la vie, donc, d'un individu, qui charrie le corps physique, qui, lui, traîne la conscience, la problématique, c'est que si l'humain n'a pas la capacité d'être suffisamment centré dans son monde pour être capable de supporter le fait que, justement, il devrait cesser de désirer, le corps physique devient à peu près inutile parce que l'individu va rester assis sur ses fesses à attendre la fin de l'inutile. À pleurer, puis... Peut-être qu'il ne pleurera même pas. Le mental va peut-être totalement court-circuiter cette mécanique. C'est effectivement cela qu'on doit parvenir. On ne doit pas jouer le jeu, on va parvenir à être capable de ne plus désirer, de ne plus se questionner, de ne plus poser de questions. Et là, on vit. Sauf qu'on ne vit pas comme l'animal humain qui ne s'en pose pas non plus. Ouais, c'est très semblable. En apparence, c'est très semblable pour l'animal humain. C'est totalement différent pour celui qui est initié. Oui. Pourquoi? Parce que c'est l'intelligence qui vient régir ce qui se passe chez toi et non pas la mémoire de l'intelligence. la tradition. Il y a une grosse nuance. Mais lorsque tu deviens intelligent, tu n'as pas plus de libre-arbitre. Tu ne peux pas dire « je vois plus clair que celui qui ne voit pas ». Tu peux peut-être dire « je vois plus que celui qui ne voit pas, mais plus clair, ça ». Je vois plus, mais tout embrouillé. Finalement, ça vient au même. Tu vois pas plus. Sauf que tu peux te poser plus de questions. C'est ce que les conscientisables font. OK, mais c'est de, OK, ce serait de se poser des... À ce moment-là, tu te poses des questions, mais t'en souffres pas. Parfois, tu souffres pas du manque de réponse. Non, pourquoi? Parce que la question n'apparaît pas. On a déjà vu ce qu'était une question. Une question, c'est lorsque tu as un faisceau d'énergie supramentale qui traverse. Lorsqu'il traverse ton âme, entre autres, parce que tu as encore de l'âme impure. Lorsqu'il traverse l'âme, il traverse et il ne reste pas dans l'âme. Après être passé, il laisse un trou qui a une forme particulière. Ce trou qui a une coloration et une forme particulière, celle du faisceau, est la question. Pourquoi? Parce que l'ego va prendre la forme du trou et il va dire « qu'est-ce qui va dans le trou? » Parce que l'ego automatiquement est insécure parce qu'il a un vide chez lui. Il voudra donc le combler. Qu'on lui amène n'importe quelle réponse qui rentre dans le trou, l'ego va l'accepter. Alors, ça peut être la religion, la foi, l'amour, ça prend toutes les formes, etc. Lorsque l'être humain arrive à une négociation suffisante, lorsque l'être humain est capable dans son mental de recevoir de l'énergie supramentale, lorsque l'humain est capable dans sa structure atomique physique de digérer l'énergie supramentale, lorsque le faisceau le traverse, le faisceau ne traverse pas l'âme, le faisceau est totalement canalisé vers lui, vers le, tout ce qui peut ramasser l'énergie du faisceau, alors nécessairement il y a subitement une compréhension qui ne peut pas être supportée par les mots, qui ne peut pas être questionnée par l'ego. Il y a simplement une énergification plutôt qu'une énergisation, et le corps énergétique de l'individu vient encore une fois de vieillir, c'est-à-dire de maturer en réalité, de prendre un peu plus de potentiel et de cinétique. Il n'y a pas de questions, il n'y a pas de réponses, il n'y a pas de problème. C'est comme si du point de vue astral, il ne s'était rien passé. Et c'est ce qui arrive. La majorité des individus qui se conscientisent, souvent, si l'énergie ne traverse pas leur ego, après 2 ans, ils n'auront pas l'impression d'avoir changé. Alors que si on les envoie dans le métro, ils vont immédiatement sortir de là criant. Ils ont changé. Mais ils ne savent pas d'eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu à chaque fois la crise de l'évolution où tu te poses une question, puis là tu trouves la réponse. C'est le faisceau d'énergie qui manquait, tu as réussi à aller le rechercher par l'ajusteur de pensée. Et là tu le digères ou tu en fais une forme pour ton ego, un concept. Un jour, le concept sera détruit. Tu retrouveras l'énergie du concept. Tu t'en sortiras. Mais en attendant, tu auras travaillé beaucoup pour la même chose que celui qui, finalement, va simplement accepter de gérer les choses telles qu'elles viennent. La souffrance humaine disparaît, les désirs humains disparaissent. Je répète encore, l'humain ne doit pas se foutre des choses, mais il doit être totalement détaché des choses. Tu te lances dans une campagne de mariage, tu dois te détacher. Si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, mais tu ne t'en fous pas. Tu te lances en affaires, tu dois te détacher des résultats. Tu ne te fous pas des résultats, tu dois ne pas être attaché aux résultats. Donc, tu accomplis selon ce qui doit être fait. Quand ça ne va pas, tu ne travailles pas à outrance, tu vires de cap, tu essayes d'autres choses, tu changes. Tu ne te fous de rien, mais tu es détaché de tout. L'être humain qui parvient à accepter l'énergie sans la mettre en forme, il ne se questionne plus. Mais l'ego qui ne pose plus de questions, souvent est un ego qui est soit totalement, qui se vautre dans la croyance, ou soit c'est un ego qui est matraqué par le mental, ou par une partie de l'ego qui joue au mental, et ça crée de gros problèmes de temps en temps, parce que l'animal humain n'est plus animable, parce que l'âme n'est plus suffisamment opérationnelle, ce qui peut faire en sorte, à un moment donné, qu'une âme tueuse descende, et que l'ego finisse par suicider le corps physique, pour retourner vers le monde de la mort. OK, ça veut dire que cette personne-là dont on parle, peut se poser des questions, mais le trou qui va être créé par la question va être rempli par d'énergie qui ne sera pas une réponse. Tu n'auras pas la réponse, puis tu vas dire « Ah, c'est ça, mais c'est, tu sais pas c'est quoi, là, mais c'est ça. » Tant que le canal ajusteur de pensée passe encore par l'ego, par l'âme, si l'individu est suffisamment en contact avec son intelligence, il y aura peut-être la question et immédiatement il verra la saveur de la réponse, ce qui fait que ça ne créera pas de problème. À un moment donné, le canal ajusteur de pensée est fusionné, digéré. Il ne procède plus à travers de l'âme, il procède directement à travers la conscience du mental et il va s'établir au niveau du corps vital, donc au niveau du périsprit, non pas au niveau de la matière astrale de l'âme. Et alors, automatiquement, l'individu ne se pose même pas de questions, il ne se passe pas par l'âme. Il répondra aux questions des autres, mais il ne peut pas se poser de questions. Okay. Moi, les questions que je me pose, les questions matérielles, c'est quelle heure est-il? Et puis en même temps, je me rends compte que j'ai même pas besoin de savoir quelle heure il est. Parce que je te vois à l'heure. Même si c'est en retard. Oui. Parce que même si je sais quelle heure il est, je suis en retard quand même. Alors, il y a des questions que l'ego comme ça pose de temps en temps, mais je ne me pose jamais de questions existentielles, de questions à caractère cosmologique. Mais par contre, j'ai les réponses et les questions de tout le monde. Oui, parce que... C'est parce qu'en énergie, ces gens-là sont inférieurs à ce que toi, tu peux véhiculer comme énergie. C'est que l'énergie que je communique est communiquée beaucoup plus puissamment. Mais quand je dis que j'ai les questions et les réponses de tout le monde, ce que je veux dire, ce n'est pas les questions que les gens me donnent. C'est que moi, je pourrais être un très bon intervieweur de moi-même. Parce que j'ai la question et la réponse. Mais vu que j'ai la question et la réponse, je ne me pose pas la question. Puis je ne me donne pas la réponse. Je n'ai pas besoin. Tout à l'heure, je vous disais qu'on finit par être un être qui accomplit, qui ne se questionne pas, ben c'est ça. Et l'être humain qui devient initié, on va revenir un peu lors de la deuxième partie sur l'initiation, qu'est-ce que c'est? L'être humain qui est initiable, transportable, conscientisable, évoluable, supramentalisable, cet être humain-là, veut pas, progressivement, il finit par s'absoudre du questionnage. Et pour l'ego, c'est toujours un peu une complication, parce qu'il y a toujours les questions que l'ego pose. Pourquoi j'ai plus de questions? Ça en est une. Pourquoi j'ai juste celle-là? Ça en est deux. Et puis là, l'ego commence à restructurer toute une mécanique de questionnage qui finalement ne mène à rien d'autre qu'un court-circuitage du mental. C'est la mentalisation. C'est un gros problème, la mentalisation. C'est un danger. Parce que moi, je trouve que c'est... Il y en a, j'en connais comme ça. Ils aiment ça se donner du trouble. C'est les égos. Les égos, ils doivent être égaux. C'est collectiviste. Ils sont égaux à leur égo, oui. Tout à l'heure, on parlait de la tradition qui, par l'explication de la tradition, l'explication de la tradition amène des compréhensions. La nouvelle explication, oui. Ça n'amène pas des compréhensions. L'être humain qui fonctionne avec la tradition ne comprend jamais rien d'autre. Il va dire à un moment donné, bon, prenons l'exemple de « aimez-vous les uns les autres », et puis ça, il le comprend. 20 ans après, ah là, il le comprend. Mm-hmm. Mais ça n'a rien d'amener de plus. Et 20 ans encore après, ah là, il le comprend. C'est qu'énergétiquement, inconsciemment, il ne comprend pas plus ce que l'autre a voulu dire. Il ne comprend pas plus ce qui est écrit dans la tradition. Pour lui, ça a une saveur différente parce que la forme est capable de supporter un peu plus d'énergie. Mais il continuera à dire... à détester. Il continuera à faire la même chose qu'il faisait avec une saveur totalement différente. Mais là, c'est la forme, quand tu parles de la forme de la tradition. Oui, c'est la tradition qui maintient de l'énergie. Ça, et parce que dans la tradition, on met plus d'énergie, cela engendre une nouvelle vision de la tradition, on peut dire une compréhension, mais ce n'est pas une compréhension de quelque chose de neuf sur la tradition. C'est comme si tu comprenais... C'est exactement comme je te disais « Allô? » Et 2000 ans après, je dis « Tu entends « Allô? » Et 3000 ans après, tu entends « Allô? » Mais c'est toujours « Allô » que tu entends. Il y a de plus en plus d'énergie dedans. Mais ça n'a rien changé. Tu entends toujours « Allô? » Ça n'a rien à voir avec la capacité de recevoir d'énergie. Les témoins de Jéhovah, les mormons, les catholiques, les krishnas, les musulmans, tous ceux-là, sont beaucoup plus évolués qu'ils l'étaient dans le passé. Mais ils vénèrent encore la même mécanique qui supporte l'énergie. Ce sont des êtres qui attendent le salut. Les êtres qui sont initiables, ce sont des êtres qui, à un moment donné, se détachent, quittent la centricité du collectivisme, donc des mécaniques archangéliques, et vont établir un plan de vie qui est limité, qui est réservé uniquement à l'élite de certaines expressions énergétiques, donc pas l'élite de l'ego. Et ces personnages-là vont nécessairement s'assujettir à une nouvelle forme de collectivité d'évolution, où ils seront astreints à suivre de nouvelles lois, qui sont les lois de l'homme nouveau, qui sont les lois de l'initiation solaire, et ils ne seront plus astreints à suivre les lois de l'initiation lunaire. Ces personnages deviennent les têtes qui, à un moment donné, devront se servir, sinon ils seront asservis, par la tradition. Mais l'initiable ne peut pas et ne pourra pas se sortir de tout le contexte humano-planétaire sans que le reste de l'humanité le suive. Je veux dire qu'un initiable qui fait partie d'une... Un initiable qui dirige une secte religieuse, par exemple, va toute la mettre à terre. Non. Un initiable qui dirige une secte religieuse, oui, il va la mettre à terre. Mais un initié qui dirige une secte religieuse, non. Alors, je voulais dire un initié. Mais c'est pour ça que j'ai répondu non. Après ça, j'ai répondu oui pour les mots. Mais l'initié, non. Mais c'est... Du moins, il va détruire le concept de la tradition qui l'a amené là. Parce que la tradition des gens qui vont le suivre aura prévu sa présence. Les gens attendent après un Messie. Tout ça pour dire que cette tradition-là, avec les explications qui sont amenées, ce n'est que c'est l'exemple parfait d'illusion. Oui. Mais en même temps, c'est la voie que les êtres humains, que la majorité des animaux humains vont suivre. Sauf que dans l'avenir, les êtres initiés seront plus intelligents que les êtres initiés du passé. Initié veut dire assujetti à de l'énergie supramentale. Ça ne veut rien dire d'autre. Donc, il y a eu des initiés dans le passé, mais la quantité et la qualité d'énergie supramentale n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui. Nous en avons plus, mais nous devons nous confronter à des êtres humains qui attendent le salut, qui sont beaucoup plus énergisés que par le passé. De ce fait, par différence de potentiel, nous ne sommes pas aussi puissants que les initiés du passé l'étaient par rapport à leur peuple. Cela va venir, nous sommes encore jeunes. Par contre, ce que nous devons comprendre, c'est que la majorité de l'énergie que nous allons recevoir et que nous ne pourrons utiliser devra être cataloguée, canalisée et formée dans des êtres qui attendront le salut. Cela veut dire que parce que les êtres initiés sont plus intelligents, ils vont parvenir à se désassujettir du phénomène d'adoration individuelle. Ils vont être capables de centrer, donc de canaliser l'adoration inconditionnelle de ceux qui attendent le salut vers une entité prévue par toutes les traditions, prévue par les prophéties, qui ne sera pas les initiés, mais les initiés diront provenir dans leur conscience de l'être en question que les personnes qui attendent le salut attendent. Autrement dit, si tu deviens un initié, un jour, veux pas, il y aura un paquet de fidèles, de personnes qui attendent le salut, qui penseront que par toi, elles auront le salut. Parce que toi, tu es intelligent, tu vas dire aux gens que ce n'est pas toi qu'ils doivent suivre, mais ils doivent suivre celui que tu suis. C'est vrai, tu te suis toi-même. N'empêche que les gens vont tous suivre celui que tu suis, et si d'autres initiés se pointent, ils vont dire la même chose. Alors finalement, toutes les humanités suivront le même personnage, qui sera celui qui dirige les initiés. Mais ces personnes, le peuple ne saura pas que ce qui dirige les initiés est de l'intelligence, intelligence qui, dans le monde de l'ésotérisme, porte le nom de grand monarque, mais il n'y aura pas de personnage à suivre. Ils seront à suivre. Ils suivront leur tradition, ils suivront l'accomplissement de leur tradition jusqu'au jour où ils auront suffisamment d'énergie pour subitement passer de la phase attendre le salut à la phase totalement sauvée, sans jamais être passé par la phase de la compréhension des mécaniques. OK. Eux, les initiés, n'auront personne à suivre. Non. Mais le reste devront suivre le groupe. C'est-à-dire que les initiés ne suivront personne et le reste vont suivre ceux que les initiés suivent. Alors tout le monde va être initié? Non. Parce que les initiés ne suivent personne. Alors oui. Que le peuple qui attend le salut vont suivre. Ils vont suivre le groupe d'initiés? Non, ils vont suivre ceux que les initiés suivent. Ben, c'est ça que je te dis. Fait que finalement, tout le monde va être initié parce que les initiés se suivent eux-mêmes. L'initié est celui qui a la conscience supramentale. Oui. Le peuple qui suit la conscience supramentale et qui le suit n'a pas la compréhension de la conscience supramentale, n'a même pas la conscience supramentale. Mm-hmm. Donc, ce peuple-là ne sera jamais les initiés. Je répète que initié veut simplement dire relié en conscience à de l'énergie supramentale. Les autres qui font ce qui vont procéder du salut seront finalement reliés à la conscience supramentale, mais sans en avoir la conscience. Ils seront toujours reliés à des formes. OK. Alors, c'est ceux-là qui vont être manipulés par l'énergie supramentale. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure que... C'est eux qui laveront ton linge. Oui, puis aussi, c'est... Et aussi... Un égo, hein? On arrête ça vite. Et aussi, c'est que... C'est pour ça que la vie pourrait être pénible pour eux autres. Si c'est l'énergie supramentale qui décide pour eux qu'est-ce qu'ils vont faire, des fois, ils vont frapper... C'est que plus vite les initiables vont s'initier, plus vite l'humanité va cesser de souffrir. Présentement, il y a des gens qui sont initiables, mais qui ne sont pas initiés. Oui, effectivement, ils sont pas initiables. Se font solidement ramasser par... on ne sait pas si c'est encore... Moi, je ne sais pas encore si c'est l'astral ou si c'est supramental. Mais ils mangent la merde. Non, ça c'est... C'est du point de vue d'un égo, je suis bien d'accord. Ouais, du point de vue d'un égo qui n'a pas vu grand-chose. Qui n'a pas vu grand-chose, mais c'est quand même... Ouais, mais... Parce que tu ne veux pas voir la sœur? Mais c'est quand même ça, pareil. C'est-à-dire que, oui, mais ça dépend uniquement des points de vue. Mais effectivement, c'est ça. Uniquement parce que le temps n'est pas venu de certaines choses, uniquement parce qu'il y a trop d'ego, uniquement pour ça. C'est pas l'intelligence chez toi qui mange du chocolat, c'est l'ego. Mm-hmm. L'être humain qui parvient, qui décide d'appliquer un peu plus, qui décide de devenir plus doux, c'est-à-dire moins irritant du point de vue astral, l'individu qui développe la transparence, l'individu qui est capable d'accepter d'être, de se risquer à être ce que sa conscience supramentale veut qu'il soit, l'individu qui, au lieu de lutter contre l'humanité, lutte contre son ego. Quand je dis lutter, ce n'est pas une vraie lutte. On va se rendre compte, et je le dis souvent, c'est prends ton corps et bouge. C'est la façon d'évoluer vers l'initiation. Bon, on va faire une pause, on va revenir après, on va parler de l'initiation et de l'initiable. Alors, tu pourras peut-être avoir une meilleure version de la chose, mais on ne doit pas juger celui qui procède du salut parce que c'est celui-là qui va servir de support, de base, à ce que l'initié va faire. L'initié aura besoin de la forme de ceux qui attendent le salut pour parvenir à se désassujettir totalement des formes. On va revenir un peu là-dessus. Non, mais je comprends de toute façon que personne n'a le choix là-dedans. Ah ben ça, c'est déjà bien que tu comprennes que... ça, oui. Mais personne n'a pas le choix dans grand-chose. C'est pour ça que j'avais pas raison de dire que... parler du mérite tout à l'heure, une banane ou une orange, mais il reste plus d'orange. Qu'est-ce que tu prends? C'est ça, je prends la banane dans ma troisième réincarnation future. C'est ce que dirait... Ah, il n'y a aucun problème. Peut-être qu'elle va être bien noire. Tu es encore chiolé, puis tu comprendras pas, puis ben c'est ça. Elle va être pourrie de pas mal, mais... Parle de ça. Mais on pourrait me répondre que t'avais pas demandé dans quel état tu voulais l'avoir, ça. Ben, c'est ça. Alors, on fait une petite pause et puis on revient.